un petit live rien que pour vous. J'ai dédié cette chanson à toutes les belles filles et à tous les beaux gosses. Ouais. La chanson s'appelle Sopeka. Sombelangai, Pesangai, Kabelangai. Achète-moi, donne-moi, offre-moi. Zambe a salaka mokili na yeye moko moto moko ta kontibia kata libanki ya pamba dule komita moya bolimo bakufunda ter babimi yeme mi bolimo na mboka nini ye yo kontibia deception na mokili mama na sangi kruma nako wazama mbongo mika sasa lakanese sana na matanga na makamu yeba ata njuna kuzala desi Ata wenda popa selerite nalaka Sosa tunga foye na mba Atonga na mote mana yoye bebe ya mwa Satana sukaliga kinza me magazi nyesi ya botola mwoki yoye Yana bebisi bandi mnyo sotu mako maya ye Nesi watane dala kenshu sata abo mana Kwaza ikila mwune ye Yoboza mwa pranzi namba pausera Yangona sala kete mi anzambe tamu ya kuyeme Statia boli ngoya me mi angona fo Boli we komi ote pate peza mi konstitisyon ye Sosa ke pomina de ki ba makine nyoso yo ki yo yo yo Mon palis mon kana mungi sito matungi de kinga na mayele Kweza liko mi yeba ye sika ye seche ye Loye mwan zete mwan pepe le don zete bo yi koni nana Seke mwan pepe ya wate Mwan banga tatule minu jama senga kaliwa ye Mwan twa bolo ko senga kate bo men mwan mama ye Mwan men mwan a ye liberte Ape bo men mwan a napoli mwan a yo Mwan banga tatule makazi jama senga kaliwa ye Moto anzala se makate imeble mama e Ome mwana ye li panangula Ape ome mwana gabo lingo na yo Santo alke ina Santo ando iya mama Santo adebe na hana kukukave Na kule laliko lwaso sa kome Na koti kama ya miswe kauka Na matama satelite Femeha Pamerike bamo na bete treo Bako sale na kai Anti susi mwana ya mama Mwana ya mama Mamveo Mkwa yozo kumela umela umela Mwazo na kwena Gary Ewell en Etats-Unis Gopi pour Philippe Lenoir Pipo Philippe Lenoir na Miami Mia Bosco Boble Jean-Jacques Montoine Chin nyambenza ye Nkosolo mieskale la le fini Nkosolo mieskale la le fini Mami e Michele Ludama Rajungo ma e se fe Moninga ale kelo Tatitiga na mado Guerrier combattant un bandal, Benga de Cosmo Koko. Mi prenda, maman. Poussa na mokeyo, yo tipi na leni o kwa ma yon bibi li wanangai, gana wena ngaye, gana wena sosi. Chéri nana momwana yo Samantha Dongo Yo tiki nana ni ukwama yo dimili wanangai Ngana landi mama Ngana landi papa Benga irike vita Iluka makambo Irike di vita ye Mon kamera merele Chef réalisateur de ses clips. Comme je vous avais dit tout à l'heure, this is Sopeka for you, for everybody. I love you, my ladies. Ami Safali, il peut pas du cap, la merveille. Droit chemin toujours. Résida Malito, oui, sans aller futur président. Abokolo Bango, Eric Dibia, Jeff, mon réalisateur, Tismé, Rubayozo, Bololo, Bololo, Bololo, Bololo, Bololo, Bololo, Bololo,